troisième partie, chapitre 35, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 35. De la fidélité que l'on doit à Dieu, dans les petites choses aussi bien que dans les grandes. L'épouse sacrée dit dans les Cantiques des Cantiques que son épouse lui a ravi son cœur par un de ses yeux et par un de ses cheveux. Comment doit-on entendre cela? Il est certain que l'œil est la partie du corps la plus admirable, soit pour sa confrontation, soit pour son activité. Mais qu'y a-t-il de plus vil et de plus méprisable qu'un cheveu? Philothée, Dieu a voulu nous apprendre que nos plus petites actions et les plus basses ne lui sont pas moins agréables que les plus grandes et les plus éclatantes. Et pour lui plaire, il faut également le servir dans les unes et dans les autres, puisque nous y pouvons également mériter son amour. Je le veux bien, Philothée, préparez-vous à souffrir des grands coins pour notre Seigneur. Portez votre amour jusqu'au martyr. Offrez-lui tout ce que vous est le plus cher, s'il veut le prendre. Père et mère, frère et sœur, mari ou femme, enfant ou ami, vos yeux même et votre vie. Vous le devez, car il faut être dans cette préparation d'esprit et de cœur. Mais tandis que la divine providence ne vous met pas à des épreuves si fortes et si sensibles, tandis qu'elle ne demande pas vos yeux, donnez-lui pour le moins vos cheveux. Je veux dire qu'il faut supporter avec douceur ces petites incommodités, ces pertes légères et ces menus chagrins que chaque jour vous fait naître. D'autant que ces petites occasions, étant bien ménagées avec un vrai amour de Dieu, vous gagneront entièrement son cœur. Oui, ces petites charités que vous faites tous les jours, ces mal de tête ou de dents, cette fluxion, cette mauvaise humeur d'un mari ou d'une femme, cette petite marque de mépris, cette perte de quelques petits meubles, cette petite incommodité de se coucher de bonne heure et de se lever matin pour prier ou pour communier, cette petite honte que l'on a de faire quelque action de piété en public, en un mot, toutes ces petites actions ou souffrances, étant animées de l'amour de Dieu, plaisent beaucoup à sa divine bonté qui nous a promis le royaume des cieux pour un seul verre d'eau, c'est-à-dire infiniment plus que toute la mer, née à l'égard d'une goutte d'eau, parce que ces occasions reviennent à tout moment. Voyez quelles font des richesses spirituelles nous pouvons amasser si nous savons bien en profiter. Quand j'ai vu dans la vie de Sainte Catherine de Sienne tant de ravissement et d'élévation d'esprit en Dieu, tant de paroles d'une sublime sagesse, et même des prédications entières. Je n'ai point doute qu'avec cet œil de contemplation, elle n'eût ravi le cœur de son céleste époux. Mais j'ai été également consolée quand je l'ai vue appliquer par le commandement de son père à tous les plus bas offices de la maison et de la cuisine, avec un courage plein d'amour pour Dieu. Je n'estime pas moins la méditation toute simple qu'elle faisait parmi ses occupations viles et abjectes, que les extases et les ravissements qui lui furent si ordinaires et qui ne furent peut-être que la récompense de son humilité et de son abjection. Le fond de sa méditation était de penser qu'en apprêtant à manger pour son père, elle travaillait pour notre Seigneur, comme Sainte Marthe, que sa mère tenait la place de Notre-Dame et ses frères, celle des apôtres, de sorte qu'elle excitait vivement sa ferveur à servir ainsi en esprit toute la cour céleste et que la conviction de faire en tout cela la volonté de Dieu pénétrait son âme d'une merveilleuse suavité. Je vous ai apporté cet exemple, Philothée, pour vous faire comprendre l'importance qu'il y a de faire nos actions, quelque petites et basses qu'elles puissent être, en vue du service de Dieu. Pour cela, je vous conseille autant que je puis d'imiter la femme forte que Salomon a tant louée, et de ceux qui tout occupaient qu'elle était souvent de plusieurs actions grandes et éclatantes. Elle ne laissait pas de filer sa quenouille. Faites de même. Appliquez-vous beaucoup à la prière et à la méditation, à l'usage des sacrements, à l'instruire et à consoler les autres, à inspirer l'amour de Dieu au prochain, à faire tout ce que votre vocation renferme d'œuvres les plus importantes et les plus excellentes. Mais n'oubliez pas le fuseau et la quenouille, c'est-à-dire pratiquer ce petites et humbles vertus qui naissent comme les fleurs au pied de la croix. Le service des pauvres, les visites des malades, le petit soin d'une famille et les bonnes œuvres qui y sont attachées. L'utile diligence à vous défendre de l'oisivité dans votre maison. Et mêlez parmi tout cela quelques considérations semblables à celles de Sainte Catherine de Sienne. Les grandes occasions de servir Dieu se présentent rarement, mais les petites sont ordinaires. Or, qui sera fidèle en peu de choses aura l'avantage, dit le Sauveur, que je me servirai de lui en beaucoup d'autres très importantes. Faites tout au nom de Dieu, et tout sera bien fait. Soit que vous mangiez, soit que vous bouviez, soit que vous dormiez, soit que vous vous divertissiez, soit que vous vous occupiez de quelque exercice abject, vous profiterez beaucoup devant Dieu si, ménageant bien vos intentions, vous faites tout parce que Dieu veut que vous le fassiez. Fin de chapitre 35, troisième partie.